De temps en temps, elle réapparaît ici ou là, la maladie, la terrible maladie du charbon, qu'on appelle aussi l'anthrax. 9 morts en 2000, 15 personnes contaminées en 2001, d'autres encore en 2003, et en 2004, pour la première fois, des animaux sauvages sont touchés. Exactement comme si les germes de la maladie polluaient le sol rhodésien. Monstrueux souvenir de la colonisation, c'est très possible, car il semble presque certain que lors de la lutte contre les rebelles indépendantistes, le pouvoir blanc a répandu des spores de la maladie du charbon pour tuer le bétail des tribus révoltées, et donc affamer les populations. C'est l'un des points qu'entend soulever M. X au cours de ce nouvel entretien, un épisode qui n'est peut-être pas étranger à ces mystérieux envois postaux de lettres contaminées à l'anthrax qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Une affaire qui n'a jamais été éclaircie. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. Mon interlocuteur a donc choisi de parler de la Rhodésie du Sud, l'avant-dernier pays africain à connaître un régime colonial et la suprématie blanche. Une histoire curieuse à laquelle, de façon très inattendue, la France a été mêlée. La Rhodésie du Sud est née d'un rêve et d'une ambition. À la fin du XIXe siècle, un certain Cecil John Rhodes, un Britannique qui vient de faire fortune grâce aux diamants sud-africains, veut édifier un vaste empire anglo-saxon à partir de l'Afrique australe. Devenu Premier ministre de la colonie britannique du Cap, Rhodes imagine de construire une ligne ferroviaire qui, allant du Caire au Cap, serait la colonne vertébrale de ce futur empire. Oui, attendez, la Grande-Bretagne n'est pas la seule puissance coloniale présente en Afrique de l'Est. Hein. C'est juste. Les Portugais sont installés au Mozambique. Et ils voudraient bien réunir leurs colonies à l'Angola, qu'ils ont conquise à l'ouest. Les Allemands, eux, occupent le Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, et ambitionnent d'élargir le territoire qu'ils contrôlent. Et puis, il y a les bougres, ces colons néerlandophones qui n'entretiennent pas d'excellents rapports avec les Britanniques, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, d'ailleurs, ça se finira par une véritable guerre. Bon, passons. Rhodes, nullement découragé par tous ces obstacles, envisage donc de progresser vers le nord. Problème. Les bourgs de la République indépendante du Transvaal ont déjà signé un traité de bon voisinage avec l'Obengula, le roi des Nébélés, une ethnie vivant au sud-ouest du Zimbabwe actuel. L'ancienne Rhodésie du Sud. C'est hein. Ça. En fait, au-delà même du rêve ferroviaire de Rhodes, tout le monde convoite cette région dont on dit qu'elle regorge de richesses minières. Et c'est Rhodes qui va gagner la partie. Au prix de longues tractations et de quelques cadeaux, l'Obengula tourne sa veste et dénonce le traité signé avec le Transvaal. Et il passe avec son nouveau partenaire Rhodes à un pacte. Il accorde aux Britanniques et à ses associés le droit exclusif d'exploiter les minerais et minéraux situés dans son royaume. En fait, l'Obengula s'est fait rouler. Expliquez, hein. Un peu naïvement, le roi a pensé que ce traité ne concernait que le sous-sol. Mais pour Rhodes, il n'en est rien. C'est le territoire tout entier qui l'intéresse. Alors, le sous-sol et la terre en surface. Bien entendu. Ouais. Et peu de temps après, Rhodes crée une société, la BSAC, c'est-à-dire la Compagnie Britannique de l'Afrique du Sud. Une société qui obtient aussitôt de Londres des privilèges considérables. Et quoi, par exemple? La BSAC, qui n'est pourtant qu'une société privée, peut étendre son autorité dans toutes les directions, y compris en empiétant sur la colonie portugaise. Mais ce n'est pas tout. La Compagnie de Rhodes est aussi autorisée à transformer les territoires qu'elle occupe en protectorat de la couronne britannique. On lui accorde même des droits régaliens comme celui d'émettre de la monnaie. Alors, on est bien loin là, de l'extraction minière. Et d'ailleurs, celle-ci sera très décevante. Non. La bonne affaire, c'est la terre. Une excellente terre, très fertile, et qui aujourd'hui encore, dans le Zimbabwe moderne, fait problème. La récupération des terres des colons, hein. Mais je vous en parlerai plus tard, ça. Peut-être même dans un prochain entretien, si je suis trop long aujourd'hui. Alors, je continue. En 1890, une colonne de 200 pionniers, escortée par des policiers, se met en marche vers la terre des Shonas, la tribu dominante de ce qui sera bientôt la Rhodésie. La colonne se fixe en un endroit prometteur, aussitôt baptisé Salisbury, en l'honneur du premier ministre britannique qui a accordé la concession à Cecil Rhodes. Salisbury, c'est la future capitale de la Rhodésie du Sud. Hein. Oui. Et comment alors les autochtones réagissent-ils? Ils se rendent assez vite compte qu'on veut les déposséder. D'autant que les pionniers blancs ne cessent d'affluer, par conséquent, ils se révoltent. Et ils combattent par les armes, naturellement. Mmh. Mais les colons viennent assez facilement à bout de ces révoltes sporadiques. Toutefois, en 1896, on assiste à une rébellion généralisée des deux principales tribus, les Ndébélé et les Shonas. C'est le premier mouvement de rejet du système colonial. Et cela laissera des traces profondes dans la mémoire collective de ces indigènes. Ouais. Et attendez, les colons s'y attendaient-ils? Pas du tout. Ils ont été pris au dépourvu parce qu'ils pensaient avoir soumis les tribus. Et les Blancs, malgré leur armement moderne, devront attendre plusieurs mois avant que les forces britanniques rétablissent l'ordre. La répression, j'imagine, a été brutale. Comme dans tous les conflits coloniaux, le racisme a joué à plein. Il n'empêche que la leçon a porté. Dorénavant, les Blancs vont mettre en place une police et des services de renseignement très efficaces. Autre point qu'il faut souligner, les colons ont eu, au moins dans un premier temps, l'impression d'avoir été lâchés par la Grande-Bretagne. D'où le sentiment que désormais, ils devraient compter sur eux-mêmes et se défendre seuls. Et pourquoi la mère patrie, alors, les aurait-elle lâchés? Là-bas, en métropole, l'opinion publique était incontestablement choquée par les excès commis par les Blancs. En Rhodésie. Les excès, par exemple Le bétail et les terres sont systématiquement confisqués et donnés aux colons qui se voient attribuer chacun plus de 1200 hectares de terres. Ce qui est énorme. Hein. Ouais. Les Noirs sont donc expropriés. Forcément, même si l'idée de propriété était étrangère à leur culture. Mais les dirigeants de la compagnie de Rhodes ne s'arrêtent pas là. Les cultures commerciales sont interdites aux indigènes. Ça, c'est incroyable. Pourquoi alors? Pour éviter la concurrence avec les agriculteurs blancs? Les Noirs n'ont donc droit qu'aux cultures qui assurent leur survie. Ouais. Et au fait, alors, ce nom de Rhodésie? C'est dès 1895 que ce grand modeste de Rhodes baptise ainsi le pays qu'il va exploiter, coloniser et développer. Et justement, ce développement est rapide, grâce au chemin de fer. Ah oui, c'est son rêve, ça, Rhodes. Mmh. Ouais. Le chantier commence un peu avant la fin du siècle et permet de relier la Rhodésie avec l'Afrique du Sud. Il faut en effet savoir que le pays est complètement enclavé et ne dispose d'aucun débouché maritime. Le chemin de fer devient donc une artère vitale pour la Rhodésie et son commerce, mais aussi pour l'augmentation des colonies de peuplement. Au tout début du XXe siècle, on compte déjà près de 10 000 colons, et cela ira en progressant toujours. Il y aura jusqu'à 270 000 blancs en Rhodésie du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Et alors, les autochtones? La Grande-Bretagne exige qu'ils possèdent aussi des terres. Les moins fertiles, évidemment. Et ces Noirs sont relégués dans des réserves. Mmh. Exactement, c'est l'apartheid, quoi. Et tout à fait. Et c'est toujours la question de la terre qui symbolise cette situation. Je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais ceux-ci sont éloquents. Et j'ai pris quelques notes. En 1914, les colons, qui représentent 3% de la population, cultivent 75% des terres fertiles. Et les Noirs, 23%. Et un peu plus tard, en 1930, une loi sur le partage des terres fixe à 20 millions d'hectares la part réservée aux fermiers blancs, des terres essentiellement considérées comme très fertiles, et à seulement 9 millions celles qui sont attribuées aux réserves africaines. 9 millions d'hectares de terres pauvres. Naturellement. Ouais. Et d'ailleurs, l'arsenal législatif va encore accentuer les disparités entre blancs et noirs. 4 ans après la loi sur la terre, une autre loi met fin à la concurrence éventuelle entre les deux communautés dans le domaine industriel. En faveur des Blancs. Bien évidemment. Et un peu plus tard, un nouveau texte oblige les Africains à obtenir des autorisations préalables à la recherche d'un emploi en ville ou au déplacement dans les zones urbaines. Et dans ces zones décrétées blanches et aussi dans les banlieues nouvellement construites, il est interdit aux Noirs d'y être locataires. La doctrine officielle, c'est le développement séparé des deux communautés. Ouais, c'est la ségrégation, quoi. Oui, rien ne doit pouvoir s'opposer à la domination blanche. Tout juste les Noirs sont-ils autorisés à travailler sur les exploitations des Blancs? Oui, pour y être ouvriers agricoles. Évidemment. Et la puissance coloniale, alors, la Grande-Bretagne, accepte-t-elle ces lois racistes? Même si elle le voulait, elle n'y pourrait pas grand-chose. Dès 1923, la Rhodésie du Sud a obtenu un statut d'autonomie. De simple colonie, elle est donc devenue de fait un dominion, c'est-à-dire un territoire qui reconnaît l'autorité du roi, mais où la population peut légiférer à sa guise. Ouais. La seule population blanche dans le cas de la Rhodésie. Bien sûr, seule une poignée de Noirs, 4% je crois, dispose d'une représentation au Parlement. Toutefois, vous avez eu raison de poser cette question sur la Grande-Bretagne. Elle s'est en effet posée en protectrice des Noirs. Et en principe, elle devrait être consultée. et elle devrait même approuver toutes les lois touchant au statut des Noirs. Mais elle n'en fera jamais rien, et n'envisagera à aucun moment de reconnaître une quelconque égalité entre les Blancs et les Noirs. Ouais, les autres puissances coloniales n'ont pas agi autrement, hein. Vous avez raison. Alors, bah, qui ne dit mot consent, c'est ça ? Et jusqu'à la fin du régime raciste de Ian Smith, en 1979, la Grande-Bretagne laissera faire. X. Le grand écrivain anglais Doris Lessing a été élevé en Rhodésie. Révoltée par le régime colonial, elle quitte son pays d'adoption en 1956 et n'y retourne qu'après 25 ans d'exil. La Rhodésie du Sud est alors devenue le Zimbabwe. Elle y effectue alors plusieurs visites et en tire la matière d'un important livre, « Rire d'Afrique ». J'en extrais ce passage où, non sans humour, elle compte l'arrivée des premiers pionniers blancs qui, fidèles à la mode victorienne, sont engoncés dans des vêtements aussi épais que volumineux. Les Africains ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de perdre leur pays. Ils consentaient volontiers à céder leur terre quand on les en priait, car l'idée que la terre, notre terre nourricière, puisse appartenir à une personne plutôt qu'à une autre, ne faisait pas partie de leur façon de penser. Pour commencer, c'est à peine s'ils prêtèrent attention à ces ridicules envahisseurs, bien que leurs chamans, hommes et femmes, n'aient pas manqué de les prévenir des temps mauvais. Ils découvrirent bientôt qu'ils avaient bel et bien tout perdu. Il ne servait à rien de partir dans la brousse, car on les y traquait pour les obliger à travailler comme domestiques ou manœuvres. Et quand ils refusaient, on les soumettait à ce qu'on appelait une poll tax, capitation. Et quand ils ne payaient pas, et comment l'auraient-ils pu puisque l'argent n'avait point cours chez eux, des soldats et des policiers venaient, armes au poing, leur expliquer qu'ils devaient gagner de quoi payer l'impôt. Ils devaient aussi écouter des leçons sur la dignité du travail. Cet impôt, modeste somme d'argent du point de vue des Blancs, fut la puissante cause de changement dans les anciennes sociétés tribales. La Seconde Guerre mondiale a été une période faste pour l'économie de la Rhodésie du Sud. Pour quelle raison, exactement ? Les Alliés y avaient installé de nombreux camps d'entraînement. Et bien sûr, le temps de la guerre, les militaires présents ont beaucoup consommé. Ensuite, une fois la paix revenue, de nombreux Européens, fuyant les pénuries, sont venus vivre en Rhodésie. Ils y ont d'ailleurs été encouragés par les autorités locales. Afin de grossir la communauté blanche. Qui a alors représenté jusqu'à 10% de la population totale du pays. Et le même système racial est resté en place, alors ? Seuls 10 000 Noirs contre 100 000 Blancs remplissent les conditions exigées par le pouvoir blanc pour figurer sur les listes électorales et voter. Quel genre de conditions, alors ? Un certain niveau d'instruction et de revenus. Alors, comme autrefois le sens électoral chez nous, hein ? Tout à fait. Ouais. En conséquence, le Parlement rhodésien ne compte que 6 députés africains pour 35 Blancs. Alors qu'un nombre croissant de politiciens réclame une plus grande autonomie vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Ouais, de politiciens blancs. Hein. Mmh. Pourtant, vous avez-vous dit, ces liens étaient déjà très ténus. Il n'empêche, ils en veulent encore plus et surtout, ils n'acceptent plus que l'autorité de tutelle ait un mot à dire quant à la politique raciale. Mmh. Mais vous m'avez dit, encore une fois, que la Grande-Bretagne évitait généralement de s'en mêler. Peut-être, mais pour ces blancs, c'est encore trop. Alors je reprends. Tandis qu'on sent monter la revendication indépendantiste chez les Blancs, on observe quand même un certain infléchissement de la politique rhodésienne. Toujours en matière raciale ? Oui, oui. L'homme qui est au pouvoir au milieu des années 50 est alors un missionnaire qui est aussi fermier. Premier ministre, Garfield Todd, tente d'alléger la ségrégation en adoptant quelques timides mesures d'assouplissement. Il ose même prendre langue avec des dirigeants des mouvements noirs qui émergent peu à peu dans le pays. Mais il est aussitôt désavoué par les siens et contraint à la démission. Et les conservateurs reprennent les rênes du pays pour la plus grande déception de ses leaders africains. Alors ceux-là, qui sont-ils ? Bon, ils sont essentiellement trois. Le révérend Sithole, d'abord, qui est à la tête d'une association d'enseignants africains. Et puis deux hommes dont on va ensuite beaucoup parler par la suite. Le premier, c'est Robert Mugabe. Ouais, c'est l'actuel chef de l'État. Oui, mais on reparlera plus tard de cet autocrate qui règne sur le Zimbabwe depuis 1980. Le troisième personnage de ce mouvement nationaliste naissant s'appelle Joseph Nkomo. Lui est à la tête du syndicat des cheminots. Un mot tout de suite, car ça pèsera lourd dans le destin de la Rhodésie du Sud, devenue Zimbabwe. Mugabe et Nkomo n'appartiennent pas à la même ethnie. Ah ouais, je vois, ils sont adversaires. Très souvent, oui. En attendant, cette opposition au pouvoir blanc commence à se manifester par un boycott des transports en commun et donne naissance à un parti qui revendique le suffrage universel. Question taboue, là, pour les dirigeants rhodésiens. Ouais, aussi, après une série de grèves et de manifestations, ce parti est interdit. Et plusieurs dizaines de ses militants sont emprisonnés. Ce qui ne fait que renforcer le mouvement protestataire, d'où surgit aussitôt un nouveau parti. Nous sommes alors à la fin des années 50 et l'Afrique bouillonne. Ah oui, c'est le mouvement de décolonisation. La France, par exemple, accorde leur indépendance à un grand nombre de ses colonies. Les nationalistes rhodésiens ont donc le vent en poupe. Et d'ailleurs, ils ne se contentent pas de protester sur le terrain, ils en appellent à la communauté internationale. Résultat, non ? Le pouvoir rhodésien lâche un peu de lest, pas grand-chose. Une certaine liberté de circulation est accordée aux Noirs et quelques mesures discriminatoires sur leur présence dans les lieux publics sont abolies. Ça va pas très loin. Et à Londres, on s'inquiète. Toujours la peur de l'explosion raciale. Et par contre-coup, une sérieuse menace pour les intérêts économiques et stratégiques de la Grande-Bretagne. En 1961, le gouvernement de Sa Majesté organise donc une conférence constitutionnelle sur la Rhodésie. Ce que propose Londres, c'est du donnant-donnant. Encore plus d'autonomie contre une association progressive des Noirs au pouvoir. Et une nouvelle fois, le pouvoir blanc fait quelques concessions. En abaissant le sens électoral, il augmente par exemple le nombre de députés africains à 15. Oui, mais il y a combien de députés blancs ? 65. Ah oui, autant dire que ça ne change rien. C'est exact. Et les nationalistes rhodésiens trouvent parfaitement ridicules ces maigres avancées. Le résultat, c'est que le mouvement noir se radicalise de plus en plus. Un nouveau parti, la ZAPU, c'est-à-dire l'Union Populaire Africaine du Zimbabwe, voit le jour sous la houlette de Joseph Nkomo. En fait, là, ce nom Zimbabwe, ça vient d'où ? Du nom d'une ancienne cité construite en pierre sèche au centre d'un vaste empire qui couvrait le territoire du Zimbabwe actuel, mais aussi le Mozambique. Ah oui, c'est donc un symbole historique. Oui, mais je continue. Nkomo est arrêté à plusieurs reprises et son parti, bientôt interdit, doit installer son siège en Tanzanie. La question s'internationalise. Mais pour Nkomo et les siens, la contestation du pouvoir blanc en Rhodésie n'est que l'expression d'une lutte plus générale, celle de l'émancipation des Africains face aux colonialistes. Il en appelle donc à la solidarité africaine ? Mais pour certains, ça ne suffit pas. C'est à l'intérieur de la Rhodésie du Sud qu'il faut combattre. Et comme la revendication démocratique est quasiment impossible, il faut lutter les armes à la main. C'est ainsi qu'une scission se produit au sein de la ZAPU et donne naissance à un mouvement encore plus radical, la ZANU. Ce qui veut dire, là, tous ces accords... La ZANU, c'est l'Union Nationale Africaine du Zimbabwe. Ah, ouais. Et l'un de ses principaux leaders est Robert Mugabe. Mais avez-vous dit, il y a aussi une rivalité ethnique là-dessous. Incontestablement. Et les deux mouvements ne se feront pas de cadeaux. Quoi, une lutte fratricide ? Oui, souvent sanglante. En tout cas, c'est donc un mouvement de guérilla qui se développe dans le pays. Tout à fait. Ouais. Et l'armée gouvernementale réprime sans pitié. Mugabe lui-même est pris en 1964 et il restera incarcéré 10 ans. Il en profite pour poursuivre ses études et lire. Et c'est un marxiste accompli qui sortira de prison. Mais revenons au pouvoir blanc. À Salisbury, le Front rhodésien gouverne. C'est un parti maximaliste et ultra-conservateur qui ne rêve que d'indépendance. Et vis-à-vis des nationalistes noirs, là ? Pour ces gens, ce ne sont que des extrémistes isolés qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ah oui, des terroristes, bien sûr. Des types qui veulent détruire l'œuvre des pionniers, c'est-à-dire pour les Blancs, une vie prospère et même douillette typique de l'Angleterre coloniale. Un homme représente particulièrement cette société blanche, c'est Ian Smith. Né en Rhodésie de parents écossais qui ont fait fortune dans le pays, il a effectué ses études en Afrique du Sud et il a grandi, c'est lui qui le dit, dans l'admiration de Cecil Rhodes, mélange d'esprit d'aventure et de tradition britannique. Par ailleurs, cet homme réactionnaire mais courageux n'a pas hésité à quitter sa Rhodésie pour aller combattre dans la Royal Air Force. Et pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, en 1964, Smith, député depuis 1948, est nommé Premier ministre. Son programme est simple, la Rhodésie aux Rhodésiens. Oui, à l'exception des Rhodésiens noirs, j'imagine. C'est évident. Il va accentuer le combat contre les nationalistes africains. Mais Surtout en adoptant ce slogan, il entend décrocher l'indépendance. Ah oui, c'est-à-dire rompre avec la Grande-Bretagne. Ah oui, mais ça ne va pas sans difficulté. Le gouvernement travailliste, dirigé par Harold Wilson, n'est pas hostile à l'indépendance rhodésienne, mais il veut d'abord que soient reconnus les droits des Noirs, les droits électoraux en particulier. Le suffrage universel. Ce qu'on appelle la loi de la majorité. Mais Ian Smith est inflexible et refuse de céder. C'est donc la rupture. Et le 11 novembre 1965, la proclamation unilatérale d'indépendance de la Rhodésie du Sud. Alors se pose la question, que va faire la Grande-Bretagne? Va-t-elle, comme elle l'envisage sérieusement, mater par la force son ancienne colonie? Voici quelques extraits de la déclaration d'indépendance unilatérale du gouvernement rhodésien. Le peuple rhodésien. Après avoir montré sa loyauté à l'égard de la couronne, assumé ses liens de parenté avec le Royaume-Uni lors des deux guerres mondiales et prouvé qu'il était prêt à se sacrifier pour ce qu'il estimait être l'intérêt des peuples épris de paix, voit maintenant que ce qu'il a chéri risque d'être sacrifié sur l'autel de l'opportunisme. Le peuple rhodésien a été le témoin d'un processus qui a détruit les préceptes mêmes sur lesquels, dans un pays primitif, il a bâti sa civilisation. Il a vu les principes et les valeurs morales de la démocratie occidentale s'écrouler ailleurs et néanmoins, il est resté inébranlable. Le gouvernement du Royaume-Uni a démontré qu'il n'était pas disposé à accorder l'indépendance souveraine à la Rhodésie dans des conditions acceptables pour le peuple rhodésien. Il a continué à appliquer sans aucune justification sa législation à la Rhodésie. Il l'a empêché de légiférer et de conclure des traités librement. Il a refusé de donner son accord à des textes qui étaient nécessaires au bien public, tout cela au détriment de la paix, de la prospérité et de la bonne administration de la Rhodésie. C'est pourquoi nous, gouvernement de la Rhodésie, en toute humilité à l'égard de Dieu Tout-Puissant qui contrôle la destinée des peuples, sachant la loyauté et le dévouement dont le peuple rhodésien a toujours fait preuve à l'égard de Sa Majesté la Reine et priant avec ferveur pour que nous puissions continuer à montrer la même loyauté et le même dévouement afin que la dignité et la liberté de tous les hommes soient assurées, nous donnons au peuple de Rhodésie la constitution jointe en annexe. Finalement, après avoir longtemps hésité et malgré les pressions des pays africains membres du Commonwealth, Harold Wilson renonce à employer la force. Il ne reste là ? Non, il s'en remet à l'ONU et l'OUA, l'Organisation de l'Unité Africaine, pour prendre des sanctions économiques non punitives. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est contradictoire, non ? Je suis d'accord. En tout cas, c'est certain, le Royaume-Uni s'est débrouillé pour passer la patate chaude à d'autres. Harold Wilson obtient tout de même que la Rhodésie du Sud soit mise au ban des nations. Seule l'Afrique du Sud de l'apartheid reconnaît l'indépendance de la Rhodésie. Mais celle-ci peut aussi compter sur le soutien du Portugal. C'est important, parce qu'en passant à l'est par la colonie portugaise du Mozambique, la Rhodésie garde un accès à la mer. Ouais, pour son commerce. Et pour faire échec à l'embargo économique qui se met en place. En même temps, Ian Smith, débarrassé de la tutelle britannique, opère un vrai retour en arrière sur le plan de la politique raciale. Des nouvelles lois accentuent la discrimination et pour semer la zizanie dans la population noire, des policiers africains sont engagés dans les forces de l'ordre. L'équivalent des harkis ? Un peu ça, oui. En tout cas, Ian Smith se raidit. En réponse à une ultime proposition du gouvernement britannique, il répond avec hauteur « Tant que je vivrai, il n'y aura pas de loi de la majorité ». Il n'y en aura pas non plus tant que mes enfants vivront. Ah bah c'est clair, ça. Est-ce que l'embargo économique est efficace ? Pas vraiment. Et d'abord parce que de nombreux pays violent cet embargo imposé par l'ONU. Et pas des moindres. Les États-Unis, la Belgique, l'Italie, la Grèce, le Japon et la France. La France qui va malheureusement être en pointe dans cette affaire. Et d'abord parce que ce viol de l'embargo doit, pour être efficace, bénéficier de complicités africaines. Et ce sont justement deux pays de la France-Afrique qui viennent au secours de la Rhodésie du Sud, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Tiens, il y avait longtemps. Bon, je ne relève même pas. Sur le terrain, le fossé se creuse encore un peu plus entre les deux communautés, tandis que la guérilla monte en puissance. La ZANU de Mugabe s'est maintenant dotée d'une véritable branche armée. L'amorce d'une force de libération qui multiplie les coups d'éclat dans les zones rurales. Cette guérilla va aussi bénéficier de l'indépendance en 1975 du Mozambique. Après la révolution portugaise des œillères. Oui, oui. Les nouveaux maîtres du pays ouvrent leurs frontières aux combattants noirs. Tandis qu'ils les ferment au sud rhodésien blanc. Naturellement. Et à cette date, c'est une guerre civile généralisée qui se déroule en Rhodésie. Une guerre de libération très meurtrière sur fond de guerre froide, puisque la plupart des pays voisins ont basculé dans le camp de l'Est. Sauf l'Afrique du Sud, bien sûr. Encore que la position de Pretoria commence à évoluer. En effet, l'Afrique du Sud n'a rien à gagner à une déstabilisation qui se généraliserait dans toute la région et sur sa frontière. Au fond, et de façon parfaitement cynique, le premier ministre sud-africain, Vorster, préférerait voir s'installer en Rhodésie un pouvoir noir, mais modéré. Et c'est aussi le sentiment des Américains. Henry Kissinger, le secrétaire d'État du président Ford... Après avoir été celui de Nixon. Hein. C'est juste. Donc Kissinger va personnellement s'impliquer dans cette affaire en 1976. Ce n'est pas comme vous pouvez l'imaginer par philanthropie. Car pendant très longtemps, les États-Unis n'ont pas été choqués par le régime ségrégationniste. Non, encore une fois, c'est le réalisme qui prévaut et pousse les Américains à faire pression sur les pouvoirs blancs de la région afin qu'ils lâchent du lest et accordent des droits à leur population noire. Alors pourquoi ? À cause de la théorie des dominos. Les uns après les autres, les pays de la région qui accèdent à l'indépendance se rangent dans le camp de l'Est. Et c'est ce qui risque de se passer en Rhodésie du Sud. Le plus riche pays de la région de l'Afrique australe appelé l'Afrique du Sud, si Ian Smith continue à s'entêter. Par conséquent, Kissinger demande aux dirigeants sud-africains de s'entremettre. Alors, de parler fermement à Ian Smith. En échange, Washington pourrait adopter une politique plus souple sur la question de l'apartheid et celle de la Namibie. Alors, racontez en deux mots, là. La Namibie est une ancienne colonie allemande dont la tutelle a été confiée par les instances internationales à l'Afrique du Sud. Ouais. Et Pretoria ne veut pas s'en séparer, bien sûr. Malgré une forte agitation de la population noire, mais enfin, passons. Et alors, Kissinger réussit sa mission ? Il a failli, oui. Ian Smith était prêt à accepter la loi de la majorité, mais il demandait à gérer la période de transition, ce que les dirigeants noirs divisés, donc prompts à surenchérir, ne pouvaient accepter, tant ils se méfiaient du leader rhodésien. Mmh. La négociation, initiée par Kissinger, a donc fini par échouer, et la guerre a repris de plus belle en 1979. Et ici, il me faut vous parler des Selous Scouts. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Frédéric Courtney Selous était un illustre chasseur rhodésien. Et c'est en son honneur qu'une troupe spéciale a pris ce nom, Selous Scouts. En réalité, ces types réputés pour leur connaissance de la brousse ont été les hommes de main du régime de Ian Smith et ont sévi contre les populations noires. Ils sont en particulier soupçonnés d'avoir disséminé des spores de la maladie du charbon pour tuer le bétail des noirs et peut-être même aussi des germes de choléra afin de provoquer des épidémies dévastatrices. Ouais, c'est joli, ça. Ouais. Mais d'où venaient ces souches de bacilles, hein ? Oh, vraisemblablement d'Afrique du Sud. Souvenez-vous de notre entretien à propos d'un redoutable scientifique sud-africain. Ouais, le docteur Lamort. Oui, Wouter Basson. C'est sans doute ce médecin raciste qui a pu fournir les souches de bacilles ou Selous Scouts. Et souvenez-vous aussi des lettres qui contenaient des spores de l'anthrax. Ah oui, ça c'était aux États-Unis après le 11 septembre. Hein. Eh bien, le scientifique qui a été soupçonné par la FBI, mais jamais mis officiellement en cause, a longtemps séjourné en Rhodésie où il a travaillé pour les services secrets et les Selous Scouts. Autre coïncidence, à son retour aux États-Unis, ce virologue a été engagé à Fort Detrick, c'est-à-dire l'endroit où l'armée états-unienne expérimente des armes biologiques. Je crois que c'est interdit par des conventions internationales. En principe, oui, mais toutes les armées modernes n'ont pas renoncé à effectuer ce genre de recherche, sous le prétexte, entre autres, de trouver des médicaments ou des antidotes, en tout cas. Je vous rappelle que c'est à Fort Detrick que travaillait aussi un personnage dont nous avons récemment parlé, Frank Olson. Ce spécialiste-là de la guerre biologique qui a peut-être été assassiné parce qu'il en savait trop. En particulier sur l'utilisation possible de l'arme biologique pendant la guerre de Corée. Mmh. Oui. Bon, alors, le retour, mais il est peut-être temps de me parler, comme vous me l'avez promis, là, de l'implication de la France dans la question rhodésienne. Volontiers. Tout a commencé au Biafra. Dès le commencement de cette guerre de sécession, en 1967, le pouvoir gaulliste a pris fait et cause pour le petit Biafra, opposé au puissant Nigérien. Une position pas tout à fait désintéressée. Oui, parce qu'elle avait une forte odeur de pétrole. C'est exact. Ouais. Notre compagnie pétrolière nationale, Elf en l'occurrence, aurait bien voulu tailler quelques croupières aux sociétés anglo-saxonnes qui exploitaient les hydrocarbures nigérians. Il est donc décidé, au plus haut niveau de l'État, De Gaulle, bien sûr, donc il est décidé de venir au secours du Biafra. Et pas seulement au niveau politique. Une aide matérielle. Et surtout militaire. C'est Jacques Foccart qui est presque naturellement chargé de l'affaire. Et l'éminence grise de l'Élysée recrute à cet effet l'un de ses bons amis, un certain Monsieur Jean, qui s'appelle en réalité Jean-Morichaud Beaupré. Barbouze. Et un aventurier très proche de nos services secrets. Monsieur Jean commence par conséquent à monter des filières pour acheminer des armes aux sécessionnistes biafrains. Par la voie des airs. Et la nuit, forcément, et à partir des aérodromes gabonais ou ivoiriens. Les pilotes sont des mercenaires, et les avions sont parfois affrétés par la Croix-Rouge, qui évite soigneusement d'être trop curieuse. Les caisses d'armes et de munitions parviennent donc ainsi au Biafra. Toutefois, le système se grippe. Mais pourquoi, là ? Les pilotes, qui prennent de véritables risques, sont de plus en plus gourmands. En outre, les livraisons ne sont pas assez régulières. C'est alors que Foccart et M. Jean ont l'idée de s'adresser à la Rhodésie. Il faut dire que, depuis l'épisode Katangay, les mercenaires rhodésiens et français avaient noué d'excellents rapports. Les affreux. Oui. Ian Smith accepte aussitôt de collaborer et charge l'un de ses amis, Malloch, un pilote spécialiste des missions dangereuses, d'acheminer des matériels militaires français vers le Biafra. Mais vous le savez, lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir, le nouveau président Georges Pompidou met fin à cette opération et le Biafra, malgré un ultime chantage à la fin, finira par capituler. Reste que la coopération entre la France et la Rhodésie ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire Avec la collaboration des réseaux Foccart, Malloch crée une compagnie aérienne à Fréter. Cette entreprise, immatriculée au Gabon, va servir essentiellement à briser l'embargo économique imposé à la Rhodésie. Illégalement, donc. Et elle a permis à la Rhodésie blanche d'exporter la viande de ses éleveurs. Et même à l'occasion, quelques sacs de diamants. Et au retour, cette compagnie, très industrieuse, importe en Rhodésie les produits dont elle manque. Un dernier mot. Quand les journaux anglo-saxons s'intéresseront d'un peu trop près à ses activités, Affréter intégrera purement et simplement Air Gabon, où actionnaires français et rhodésiens rejoindront les représentants du clan Bongo. Et si, alors, après cette parenthèse, nous revenions à la seule Rhodésie ? Ah ben, je vous propose d'en parler la semaine prochaine. Sachez en tout cas qu'à la fin des années 70, la Rhodésie blanche n'en a plus que pour quelques mois à vivre. À samedi prochain pour évoquer la naissance du Zimbabwe, mais aussi les dérives d'un libérateur, Mugabe, qui va devenir un impitoyable dictateur.